Brouillard, route recouverte de neige, véhicule devant qui circule tout feu éteint, exemple à ne pas suivre. Dans ces conditions météorologiques, je dois absolument allumer mes feux de croisement ou mes feux de brouillard avant. Ils peuvent aussi être allumés simultanément. Réponse C et D.